On a tous faim de bricks. Tout en étant jeune, on a tous fait des conneries de petits jusqu'à qu'on prenne de l'âge, jusqu'à qu'on grave. Jusqu'à qu'on grave, non, non, j'avais. J'ai tout plaqué pour me consacrer dans ce putain de RAP. En essayant de me racheter auprès des miens engagés. Je peux pas croire que dans ce business, on peut avoir une chance, on en prendra de force pour nous. Le reste n'a pas d'importance, chacun se démerde comme il peut avec la rage des racailleux. Gratte jour et nous qu'on ne voit pas la couleur des yeux et se mettre en tête. Qu'on sera pas dernier pour qui ça paye. Mais le bus nous montre que d'être frais, c'est la contrée. Faudra le bien faire ce buzz. Car mes gars veulent de la rime, veulent du flow. Ils pensent vraiment que je vais stopper, on se donne à fond frère. Qu'un jour pour nous ça puisse payer. À chaque fois que je pense, j'essaye d'en faire un classique. Parce que ma plume a toujours été authentique. Être conscient sur des sons lourds, nous on fonctionne comme ça. On défend nos fonctions malgré les choses, on tente ça. Toujours fidèle à ce qu'on dit, la preuve que nous on suce pas. 1-0 KRED, on garde le même constat. Être conscient sur des sons lourds, nous on fonctionne comme ça. On défend nos fonctions malgré les choses, on tente ça. Toujours fidèle à ce qu'on dit, la preuve que nous on suce. S0 KRUD, on garde le même constat. On annonce notre retour fracassant. Rap agressif, texte incisif. Dans ton oreille, c'est un braquage auditif. J'rappe pas dans le fiche, vise l'objectif. Tire pas des balles fictives, toujours sous le qui-vive. J'reviens avec mon groupe discret, j'récidive. Plus de 10 piges qu'on crache des rimes instinctives. Mais qui t'a dit que discret était rest in peace? Baissez tous vos putains de francs, à l'arrêt j'vous pisse. C'est pas une mais deux balles vocales que j'tire en direction de la police. J'assume tout ce que je dis, même s'ils me traînent en justice. C'est pas depuis le crash pensé qu'on est au bord de la crise. Je me suis mis à écrire, beaucoup trop de choses à dire. Je me suis mis à rapper parce qu'il fallait tout cracher. D'une manière ou d'une autre, c'était le rap ou les menottes. Et tant que l'État nous inculpe, j'arrêterai pas de représenter les nôtres. Être conscient des sons lourds, nous on fonctionne comme ça. On défend nos fonctions malgré les choses, on tente ça. Toujours fidèle à ce qu'on dit, la preuve que nous on suce pas. 1-0 KRED, on garde le même constat. Être conscient sur des sons lourds, on fonctionne comme ça. On défend nos fonctions malgré les choses, on tente ça. Toujours fidèle à ce qu'on dit, la preuve que nous on suce pas. 1-0 KRUD, on garde le même constat. Constat. La preuve que nous on suce pas. Soit face contre pile, peu importe ce qui tombe. De la chance ou de la quine, un contrat avec la rue, c'est à vie que l'on signe. Discret notre insigne, la souligne notre enseigne. Fils dans le mille, c'est soit face contre pile, peu importe ce qui tombe. De la chance ou de la quine, un contrat avec la rue, c'est à vie que l'on signe. Discret notre insigne, la souligne notre enseigne.